Guillermo Guise. Ah oui. Ça va les amigos? Ouais. Très bien. L'autre jour, je faisais mon vaccin contre la coqueluche et j'en fais un tous les 11 jours. C'est vite arrivé une coqueluche, hein. T'oublies ton passe-montagne et paf, coqueluche. Et après, c'est quoi? Le nez qui coule. C'est terrible une coqueluche. Bref, avec mon médecin, on parlait du Covid et on se disait, t'as vu, un Français sur deux refuserait le vaccin. Et on se disait, trop bien, il y en aura plus pour les Belges. Moi, je vous le dis, le vaccin, c'est ma vie. Hein. J'ai précommandé 100 doses. Je vais le faire par tous les moyens possibles, par injection, en smoothie, en burger. S'il le faut, je le sniffe avec une flûte à bec. Rien à foutre. Hein. Il y en a plusieurs qui vont arriver. Je vais tous les essayer, le Pfizer, l'AstraZeneca, le Sanofi, le Moderna, tous l'un sur l'autre. Je fais pareil avec les capotes. Parfois, pour être sûr, je mets une Durex sur une Manix. On sait jamais. Hein. C'est Daniel qui m'a appris cette technique. Lui met une Durex, une Manix et un gant de cuisine. Daniel, c'est l'avant-garde. Hein. Mais soit, moi, ça fait 10 mois que je rêve de ce vaccin contre le Covid. Et j'entends les gens dire, moi, le vaccin, non, mais je préfère attendre un peu. Attendre quoi? Attendre quoi? Genre, on a le temps, là. Vous trouvez pas que c'est bon, là, cette pandémie? Je veux qu'on revive. Moi, j'aime bien mon sexe, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre s'en occupe, quoi. Je veux qu'on rouvre les commerces. Je veux qu'on rouvre les commerces, ne fût-ce que les coiffeurs. Les coiffeurs, par pitié, quoi. Là, c'est limite. Dans deux semaines, je ressemble à Sébastien Tellier. J'ai même pas de barbe. Sébastien Tellier sans barbe, c'est Cédric Villani. Moi, j'en peux plus. J'ai pas envie qu'on passe 5 ans comme ça. C'est bon, là, le confinement. On a tous essayé de faire notre pain tout seul. On n'a pas tout seul. Je l'ai fait. Il ressort du four. On dirait plus du bois, hein. Franchement, je voulais une tartine. J'ai une bûche pour mon feu. C'est bon. J'en peux plus. C'est bon. Du confinement. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir sur Netflix. Là, je commence à sonner chez mes voisins. Je demande leur film de famille. J'ai passé la journée d'hier à regarder des diapositives. J'en peux plus, hein. J'ai envie de revenir à la terre. L'odeur du studio me manque. Enfin, non, pas exagéré. Non. Mais viens, on s'immunise tous avec le vaccin. On revit comme avant et on laisse les soignants respirer. Et je comprends les gens qui disent non, mais il n'y a pas assez de recul. On sait pas trop ce qu'on va s'injecter. Sauf que moi, avant la pandémie, je buvais 64 vodka par semaine. C'est pas comme si j'étais regardant, ce qui rentre dans mon corps, hein. Titre. Non, pas titre. Faut arrêter de dire titre tout le temps. Moi, je dis si tu manges des sneakers et que tu fais des barbecues, c'est que ton corps, il est prêt pour un Sanofi, hein. Les effets secondaires. On parle des effets secondaires. Tu connais les effets secondaire de la cocaïne, eh ben ça te fait poser des questions hyper longues. C'est pas un vaccin qui va nous faire peur, hein, Nagui. Et on me dit ouais, le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel ordre mondial qui veut contrôler tout ça via la 5G. Il y aura une micropuce dedans. Allez, franchement, à ce stade-ci, il peut y avoir une micropuce, il peut y avoir une macropuce, il peut y avoir un prépuce. Je m'en fous, franchement, tant que je peux refaire la fête, refaire des hugs. Allez, l'album d'Aya Nakamura vient de sortir et là je danse tout seul chez moi, comme Ariel Dombal. Sérieux, j'ai deux plaintes pour tapage nocturne. C'est moi qui avais appelé la police. J'en ai marre d'être seul. Je peux plus de cette vie. Franchement, sur ce coup-là, voilà, j'ai dit moi, je fais confiance. Franchement, sur ce coup-là, je fais confiance au Big Pharma. Déjà parce que le vaccin, c'est elles qui l'ont trouvé. Moi, j'ai cherché de mon côté, hein. Comment vous dire? Moi, j'ai des grosses notions de chimie. En plus, moi, je connais H2O et CO2. Ben voilà, j'ai fait de l'eau pétillante. Super. Donc voilà, je fais confiance à la science, hein. Au-delà de ça, je sais que c'est les Big Pharma, elles vont se faire full thune dans le processus. Mais là, pour une fois dans leur vie, c'est mérité, non? Je veux dire, comment tu veux plus mériter de l'argent qu'en sauvant le monde? Grave. Bruce Willis dans Armageddon, il le fait gratuit, mais c'est parce que c'est Bruce, quoi. Et qu'il a pas besoin d'argent parce qu'il a son propre potager. Mais moi, à la fin d'Armageddon, j'étais pour qu'on lui donne 100 euros, hein. J'aurais trouvé ça justifié. Enfin, soit, chacun fait ce qu'il veut avec le vaccin. Moi, je vais le faire. Peut-être que dans 2 ans, j'aurai de l'ostéoporose, un 4e testicule et que je serai contrôlé par le zgeg de Bill Gates. Mais si ça me permet de pas danser tout seul sur Ryan Kamura, ben, c'est que ça valait la peine. Allez, bonne journée.